Les participants à la conférence nationale des exemplaires de planification ont visité Mangyongdae, lieu sacré de la révolution, pays natal du président Kim Il-sung, le haut lieu de la guerre de libération de la patrie, le cimetière des martyrs qui ont participé à la guerre de libération de la patrie et le palais des sciences et techniques, sanctuaire d'études de tout le peuple. Ils ont passé des moments agréables au delphinarium de Rungna et au parc aquatique de Munsu.